Austin 169 Zut. Tu veux 20 payards, t'as pas ta quota, KCB. Marabout dans scori, dans jeu hasard, on lance les dés. J'arrive énervé comme Adesanya. Tu t'amuses, on te bat bien, tu craques plus de sang que l'ingé de Vania. Numéro uno de toutes les manières. Tu me vois dans toutes les bannières, sans sur X a essayé de me bannir. Wow, la petite en Chanel, ça fait elle fait son malin. On lui donne l'argent, parce que tu donnes ses câlins. Fais pas dans le middle, baggy, pantalon XL. Tiens avec ta chérie, la tita te demande c'est qui elle. Je vois la concu, je l'appelle Kiren, pour moi c'est de l'eau. Tu nous aimes pas mais le son t'a choqué, t'as mal les mots. Hey. Euro, dollar, sterling, peu importe la devise. Hey. T'as vu le point rouge, regarde pas ailleurs, c'est toi qu'on vise. Tu veux faire payer, t'as pas ta quota, TSB. Marabout on scorie, dans jeu hasard on lance les dés. Les gola nous fatiguent, BBL nouveau challenge. Riche ou pauvre, à la fin du mois, JCB. Tu veux faire payer, t'as pas ta quota, TSB. Marabout on scorie, dans jeu hasard on lance les dés. Les gola nous fatiguent, BBL nouveau challenge. Riche ou pauvre, à la fin du mois, JCB. J'connais l'ambassadeur, j'suis le big up pour VISA. Beaucoup trop loin en orbite, je vous devance comme NASA. SISI, champagne remplie la vessie. On va couper ta tête, champion, t'es jamais invincible. J'attends dans le parking, Rasta découle le parking. Shogun dans les plaques, banquier me connaît par cœur. Aucune excuse, Beatles, les jeunes comme John Lennon. Moi j'avais les flow de lutte, you know, ils ont le flow de lead. Quand ça joue dans le coco, quand ça connaît puissant, t'as pas de mots. Toujours en pensée, R.I.P. Ahmed Bakayoko. Hey. Depuis le Baki, on a le Haki. J'ai de la bonne école, demande à Blacky. J'ai fait des classiques, c'était en kaki, c'est zéro faute. Tu veux faire payer, t'as pas ta quota, TSB. Marabout on scorie, dans jeu hasard, on lance les dés. Les gola nous fatiguent, BBL nouveau challenge. Riche ou pauvre, à la fin du mois, JCB. Tu veux faire payer, t'as pas ta quota, TSB. Marabout on scorie, dans jeu hasard, on lance les dés. Les gola nous fatiguent, BBL nouveau challenge. Riche ou pauvre, à la fin du mois, JCB.